Ce que je peux faire pour débuter, c'est relire la présentation du séminaire de ce soir. Il est parlé des migrations de masse suite à des conflits armés ou à la crise économique. Donc cette actualité, dont certains éléments sont cités, donc ces migrations, la montée des populismes en France et en Europe, les fameux attentats djihadistes dont les médias évidemment parlent beaucoup ces jours-ci depuis le 13 novembre dernier, les mobilisations antiracistes à partir des quartiers populaires. Donc voilà une actualité multilatérale, mais en même temps qui se porte assez principalement sur l'axe nord-sud, hein, sur la question des relations nord-sud, et en particulier donc République-Islam, mais pas seulement. Voilà, et donc effectivement cette actualité repose les termes du débat citoyen, hein, les médias nous le disent, nos représentants aussi. Des intellectuels aussi font beaucoup de tribunes, hein, on le voit bien sûr dans les colonnes des journaux. Et quelle est la part que peut prendre bien sûr la communauté universitaire et éducative dans ce cadre, dans ce contexte prévalent, devenu incontournable, hein, on sait bien qu'on ne peut plus éviter le sujet en tant que tel. Alors l'objet du séminaire, c'est de faire le point sur des programmes de recherche, de formation et d'enseignement dans le secteur des études postcoloniales. Programme en vigueur ou souhaitable, hein, bien sûr, les perspectives venant de vous aussi, hein, bien sûr, hein, autant que de nous qui intervenons, seront véritablement souhaitables pour qu'on puisse essayer d'avancer au moins à notre humble niveau pour voir un peu où nous en sommes, hein, sur cette question-là. Voilà. Et alors, pourquoi les études postcoloniales? Parce que la France est évidemment un pays qui a une projection internationale bien connue dans l'histoire, dans le présent, actuellement. Hein, il y a une histoire effectivement de colonisation, de décolonisation, de post-colonisation. On connaît actuellement la question militaire qui entre en ligne de compte aussi dans la relation au monde. Donc c'est dans ce cadre-là que se situe cet objet académique que sont les études post-coloniales. Par ailleurs, on pourra s'interroger aussi sur les rapports qui ont été faits sur la politique d'intégration. Donc cette fois-ci, effectivement, au niveau de la société elle-même, comment est-ce que la société se donne les moyens d'intégrer des populations venant en particulier de la sphère postcoloniale, hein, pas seulement. Hein, voilà, il y a donc les deux volets un peu de la question qu'on pourrait envisager. La question purement académique, bien sûr, qu'est-ce qui, sur le plan universitaire, nous aide à avancer pour nous situer dans cette histoire et dans cette actualité? Et sur le plan social lui-même, quels sont les dispositifs institutionnels qui sont en vigueur ou souhaitables pour effectivement aller dans le sens d'une harmonisation des relations intercommunautaires, hein, en France et des relations internationales, en particulier sur cet axe nord-sud. Et pour ce faire, il semble qu'une clarification idéologique s'impose. Hein, tous ceux qui interviennent dans le débat le disent. Ils emploient des concepts, des mots, des idées fortes. Parce qu'on sent bien qu'on est dans une période de grande confusion. Hein, les prochaines élections de dimanche et du dimanche qui suivent sont marquées effectivement par une certaine confusion, hein, dans l'opinion. Hein, et donc, cette actualité-là, évidemment, en fait partie. Donc, comment arriver à orienter le débat dans le sens effectivement d'une axiologie pertinente. Alors, les termes qui sont les plus usités sont ceux de laïcité. On verra dans quel cadre se situe bien sûr ce concept et quelle est sa pertinence historique et actuelle. La lutte contre les discriminations, hein, c'est aussi un concept clé. La notion de diversité, qui est beaucoup plus controversée, on va le voir, hein, dans le champ national, et encore plus encore celui d'interculturel. Hein, voilà. Par ailleurs, il y a d'autres concepts, intégration, inclusion, tout cela participe finalement d'un même champ lexical, hein, qui partit d'un champ de référence, d'un champ de réflexion. Alors pour terminer sur cette question conceptuelle, je le dirai dans ma communication propre, il me semble qu'il y a une complémentarité entre ces concepts. Hein. On verra qu'il y a parfois une tentative de les opposer, à partir de survaloriser le concept de laïcité qui a sa propre légitimité au demeurant. Il y aurait sans doute une complémentarité à mettre en œuvre sur le plan enfin, historique, hein, puisqu'on sait que la laïcité, c'est quand même le concept premier, hein, et voir s'il n'y a pas une succession logique possible de concepts qui nous permettent d'avancer dans cette perspective-là. Alors, pour conclure, pour ce débat d'idées, L'université et l'école sont bien sûr des services publics qui nous aident à construire nos concepts et à réinterroger les savoirs et les cultures à transmettre à partir d'une axiologie de valeurs déterminées. Voilà. Alors donc on pourra interroger à la fois cet état social qui fait que l'université et l'école sont des institutions progressistes, relativement progressistes, où des savoirs et des cultures ont été mis en place depuis un certain nombre de décennies, hein, pour effectivement aider les citoyens et la communauté nationale à s'interroger sur son identité, hein, et sa relation au monde. Mais il existe aussi un autre volet de l'État qui a sa légitimité propre également, qui est cet État régalien qui s'exprime actuellement dans le cadre de l'état d'urgence en particulier et de cette guerre au terrorisme et dont les fondements historiques sont aussi analysés, hein, au-delà de la nécessité sécuritaire. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de rééquilibrer les relations interinstitutionnelles de manière à ce que chaque pôle puisse jouer son rôle en toute légitimité, mais sans forcément déborder sur le champ de l'autre. Ça pourrait être une problématique que nous pourrons envisager. Et pour ce faire, interroger les citoyens eux-mêmes, le terrain, parce que finalement l'État, qu'il soit social ou régalien, il est l'émanation d'un peuple, d'une communauté nationale, de citoyens qui s'expriment, bon, ils vont s'exprimer électoralement dimanche, mais qui s'expriment aussi sur le terrain associatif et le terrain des idées. Et donc Farid Benaï, merci de nous parler, de bien vouloir nous parler donc, de ce travail fait au niveau citoyen, et en partie au niveau des quartiers populaires, pour essayer de faire avancer le débat d'idées, le débat conceptuel et donc le débat politique en tant que tel, au sens large.